C'est fou chamalazé. Bonjour et bienvenue à cette édition de CNX.C, c'est l'émission la plus geek de la radio et c'est aussi l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage requis, c'est même sur les ondes de C'est fou. Si vous êtes pas au courant, mais je vous renseigne que la semaine passée on était en congé, donc on est de retour après une semaine d'absence. On a donc deux semaines à combiner et à compresser, celle du 8 et du 15 mars, mais ça tombe drôlement bien, hein, parce qu'en deux semaines, il y a eu deux chroniques technologiques CNX, donc on va avoir pas mal de temps pour de la musique malgré tout. Ça tombe-tu pas bien, ça? On va voir la chronique du lundi 8 mars dernier, Utilitruc. C'est encore très courant parce que ça parle de logiciels utiles. On va aussi avoir la chronique d'hier, mercredi, Popourri. Je crois que c'était avant-hier, 16 mars. Dans ce coin-là. On va aussi continuer la série en concert The Mario Opera Act 1 by Jonathan Mann. Oui, Jonathan Mann, que vous connaissez peut-être sous le nom de Game Jew. C'est le gars qui écrit une chanson par jour depuis plus de 400 jours. Il a fait donc un opéra sur Mario et sur les aventures rocambolesques de Mario et son frère et sa princesse, etc. On est rendu à la pièce numéro 5. On écoute Mario Goomba Exchange. Ça se passe tout de suite à CNX.zip sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. I am a mighty Goomba, you shall not pass. What if I need to? I own this piece of grass, and many Mario forbidden from discovering what's hidden. Master would be most displeased if you discovered how he keeps it. Tell me, you mushroom, or I don't know why. Oh, big words from a small man. You don't got the guts. Talking turtles, talking mushrooms mean that I can only assume it's a breathing conscious being. I can kill it without reason. Now that's the Mario we know. Give up. Tell me where my princess Peach has gone. Well, maybe, but it's just a risk. Oh, come on, my friend, if you're so mighty, you could tell me just a little. Okay, I guess it wouldn't kill me. Princess Peach now resides so far underground. What? That if she were to scream, shut up. Would hear a sound. Shut up. So what are you just standing there for when the girl that you so care for lies beneath the earth in danger? I hope that I control my anger. Something inside me seems to be building up. This creature cares not. I do. She's Bowser's mistress. Shut your mouth, I'm getting pissed. No, I mean it. She's his plaything, keeps her in a cage. It's swinging back and forth, back and forth. Stop. And when he decides Stop. To have his Fuck way her. With Fuck. Her, he Shut takes up. Her no. out and no. ties her to a bed made of steel. All the servants hear the squeals. What is done? He calls his servants. We come in for sloppy seconds. I'm afraid I'm gonna snap if he says one goddamn more word to me. Koopa King or no Koopa King, I've gotta save the princess. That's gonna start right here. I can't believe I'm back. Mario Goomba Exchange. La cinquième pièce de la Mario Opera Act 1 par Jonathan Mann. Allez trouver les liens pour télécharger cette superbe collection de pièces ayant un rapport avec Mario sur le www.assemblagerequis.com. Vous êtes à CNX.z pour on compresse les chroniques technologiques CNX d'Assemblage Requis. Voici la chronique de lundi dernier, pas celui qui vient d'arriver, mais l'autre avant, le 8 mars. C'est Utilitruc. Lundi. Aujourd'hui dans la chronique technologique CNX, c'est Utilitruc. Donc, on va parler de logiciels de sites web qui vont vous simplifier une tâche que vous avez à accomplir en termes informatiques. Et on va faire ça assez vite aujourd'hui. On va se dépêcher. On commence avec un ajout pour Firefox, un curteur alternatif à Internet Explorer. Ça s'appelle, Simpler Timer. Donc, encore plus simple qu'un simple timer. Donc, si une fois de temps en temps, vous avez besoin de compter le temps, hein, soit à partir de zéro vers le haut, soit à partir d'en haut jusqu'à 24 heures et puis descendre pour avoir une alarme. Vous pouvez aussi choisir le moment, l'heure spécifique de la journée pour recevoir une alarme, donc vraiment l'heure exacte. On peut aussi spécifier la journée, que ce soit quotidiennement, à toutes les semaines, la fin de semaine, une journée spécifique lundi, mardi, mercredi. Et on peut en avoir autant qu'on veut. Donc, c'est avec l'extension Simpler Timer pour Firefox. C'est évidemment gratuit. Il y a même un mode horloge, donc si vous avez juste besoin d'une horloge dans Firefox pour peut-être cacher votre barre des tâches Windows et avoir seulement l'heure dans votre Firefox et gagner d'un petit peu d'espace de bureau, ça se fait aussi. Ça s'appelle Simpler Timer. Le lien va être sur assemblagerequis.com, évidemment. Hein? Ensuite, archivez vos textes pour les utiliser plus tard. Oui, des fois, vous avez besoin d'écrire tout le temps la même affaire. Peut-être une signature, peut-être, je sais pas, le nom d'une personne ou votre adresse courriel, votre adresse postale, n'importe quoi. Donc, avec Clippings, une autre extension Firefox, vous pouvez facilement archiver vos blocs de texte les plus utilisés et ensuite pouvoir vous en servir n'importe quand. Une fois que c'est installé, vous pouvez sauvegarder n'importe quel texte, soit en droppant du texte sur la petite icône dans le bas de l'écran, ou sinon choisir là, dans un sous-menu de clic droit. Il y a plein d'options à avoir. Il y a même des raccourcis clavier pour coller plus rapidement vos phrases que vous voulez utiliser. Vous pouvez aussi importer et exporter ces phrases-là dans un fichier pour pouvoir les utiliser sur un autre ordinateur. C'est génial. Donc, l'extension Firefox qui s'appelle Clippings. Ensuite, sur le site de downloadsquad.com, on nous parle de Do-Gooder qui remplace les publicités normales sur des sites web avec des publicités plus vertes et ramasse de l'argent en même temps pour des charités ou des œuvres charitables. Là, présentement, tout le monde parle, il y a comme une grosse controverse, entre autres, sur le site de ArsTechnica.com sur le fait que les gens qui bloquent les publicités empêchent les sites de faire de l'argent. Parce que quand tu utilises, par exemple, un ajout comme Adblock, ce qui enlève toutes les publicités d'Internet au grand complet, c'est le même, c'est le fun, je l'admets, c'est poche, mais c'est le même. Et là, Ars Technica dit, ouais, mais si les publicités ne s'affichent pas, nous, on fait pas d'argent et c'est super plate pour nous autres. Eh bien, The Do-Gooder remplace ce bloqueur de publicité-là. En fait, remplace les publicités par des messages environnementaux et 50% des fonds ramassés vont aller à l'initiative, en fait, à des compagnies qui ont des initiatives vertes et des profits, des compagnies à but non lucratif. Voilà. Et c'est un service que même Ars Technica va aimer parce que ça n'empêche pas les publicités normales de s'afficher, d'être servies. Parce que dans le fond, sur Internet, la façon dont ça fonctionne, c'est que la publicité, aussitôt qu'elle est affichée, c'est là que le site, que tout le monde fait de l'argent, finalement, quand la publicité s'affiche. Donc, la publicité est servie quand même, donc téléchargée sur le serveur, mais remplacée par-dessus par une publicité plus verte. Donc, ça la sert quand même. Donc, l'argent va quand même à la bonne place. Oui, mais le résultat pour la compagnie qui paye la publicité à la base, le résultat est le même que si elle est complètement bloquée, non? Non, parce qu'elle est servie quand même, c'est juste que tu ne la vois pas. Ben, c'est ça qui est bizarre. Ouais. Le but de payer de la pub, c'est pas juste qu'elle soit diffusée, c'est que les gens la voient pour qu'ils achètent le produit. Mais c'est ça. Ça devrait être comme ça, en vrai. Ça devrait être les gens qui la voient, mais en même temps, il n'y a aucune façon de voir qui la voit, la publicité. C'est comme à la télé, même s'il y a une publicité qui passe, tu la regardes pas nécessairement, mais les gens reçoivent l'argent quand même parce qu'elle a été diffusée. Servi aux gens. C'est de la clientèle potentielle, si on veut. Ouais, c'est sûr, sauf que sachant, la compagnie qui paye. Là. Ben avec le temps, ça pourrait devenir quelque chose. Mais pour l'instant, vu qu'il n'y a pas grand monde qui sert de Do-Gooder, ça pourrait fonctionner pour un bout. Pour l'instant, en fond, ça ne paraît pas vraiment. Ils ne savent pas. Là, pis, c'est ça. C'est dur d'évaluer combien de publicités ont été servies, mais pas écoutées, pas diffusées. C'est exactement ça. Et en même temps, ben, ça peut t'aider à te sentir moins coupable si tu vas sur des sites de téléchargement de fichiers illégaux ou sur des sites de porno, parce que c'est là qu'il y a le plus de publicité. Donc là, tu vas redonner de l'argent à des œuvres caritatives tout en faisant ce que tu as à faire sur Internet, tu vois, genre. Mmh. Voilà. Tu vas te sentir plus écolo. Et voilà! Pareil comme Maxime tantôt. Il se sentait très écolo quand il est arrivé, hein? Parce qu'il vient à vélo. Ben, c'est ça qu'il nous a dit. C'est ça. Ouais. En tout cas. parlant de remplacer des choses par d'autres, ajoute Firefox encore une fois. Tu connais Gmail pour les courriels. Il y a des publicités qui arrivent tout le temps à la droite des messages et qui n'aident pas vraiment. Il y a un ajout maintenant qui s'appelle Reportive qui remplace les publicités Gmail avec des informations sur la personne qui a envoyé le courriel. Donc, tu l'installes, il n'y a absolument rien d'autre à faire. Ça va chercher un petit peu dans ton compte Gmail des adresses de MySpace ou de Facebook, etc. Et ça va remplir, à la place d'avoir des publicités, ça va donner des informations MySpace, Facebook, Friendster, LinkedIn par rapport à la personne qui t'a envoyé un courriel. Ça s'appelle Reportive. Le Paraben Porn Detection Stick. On va pas mal terminer avec deux dernières affaires. Bon. Le Paraben Porn Detection Stick, c'est... en fait, la compagnie Paraben, c'est une compagnie de forensics. Tu connais dans Les Experts, la série télé Les Experts, CSI... Les gens qui cherchent comme des affaires scientifiques. Là, c'est comme, en tout cas. Bref, cette compagnie-là a des solutions à des problèmes comme le Porn Stick. Ça ressemble un petit peu à leur Chat Stick qui, lui, recherchait sur un ordinateur les archives de chat. Donc, tu branches cette clé USB-là, le Chat Stick, ça découvrait toutes les transcriptions de chat de tes enfants, par exemple. Et bien, dans ce cas-ci, c'est que ça trouve de la porno sur le système cible avec le Porn Stick. Donc, tu branches ça, tu pars un petit point EXE, oui, qui va trouver toute la porno sur l'ordinateur. Ça va les classer dans des dossiers suspects ou encore très, très suspects, hautement suspects. Et ça va même chercher via les en tête de fichiers, non seulement leur extension, donc même si les fichiers sont renommés en point .doc, ça va quand même aller chercher dans le fichier pour trouver si c'est de la porno. Et là, ce qui est vraiment génial, c'est comment ça détecte cette porno-là, c'est que ça analyse les tons de peau, les formes et les courbes, ça détecte les visages et ça sépare les parties corporelles. Il y a de la body part separation, je sais pas trop ce que ça veut dire. Bref, c'est le fun. Là, avec toutes ces données-là de couleur de peau et tout ça, le logiciel est capable de déterminer qu'est-ce qui est très, très pornographique, qu'est-ce qui l'est pas, ouais, qu'est-ce qui est très louche et pas trop louche. C'est bizarre quand même. Vraiment bizarre. C'est une photo juste de c'est ça. Ça détecte dans le fond par rapport à la forme du corps. S'il y a des vêtements, ben peut-être que ça te dira pas que c'est suspect. Ça cherche un gros bout de couleur de suite. En tout cas, ils disent qu'ils ont un taux de succès de 99%. C'est quand même assez impressionnant. Ça s'appelle le Porn Stick. Ouais, je pense que c'est vraiment pas une bonne invention. Moi, j'aime pas ça. J'approuve pas. Et on se termine ça avec The Mac Sale et Mac Heist Bundles. Pour ceux qui ont un Mac et qui cherchent des nouveaux logiciels, moi, c'est vraiment deux de mes sites préférés. En fait, je dirais que Mac Heist est plus un de mes préférés. The Mac Sale, je le connaissais un petit peu moins. Mais bref, c'est des bundles de logiciels. Donc, vous payez, par exemple, $50 et puis on vous envoie comme 300 ou $400 de valeur de logiciel. C'est génial. C'est sur MacHeist.com. Présentement, il y a le Mac Heist Nano Bundle 2. Et sur TheMacSale.com, c'est simplement The Mac Sale qui, lui, est $50 pour 10 applications Mac. Donc, allez chercher des articles vers tous ces logiciels-là et d'autres sur assemblagerequis.com. C'était la chronique du lundi 8 mars dans CNX.zip. On parle du truc. Tout à l'heure, je vous avais dit que la chronique était courante. Elle l'est, mais le Mac Heist Bundle est terminé. Donc, vous ne pouvez plus aller l'acheter sur Internet. C'est fini, ça, ce bon temps-là. Mais bon, il y en a une fois de temps en temps, plusieurs fois par année, des petits nano-bundles et des gros bundles de Mac Heist. J'adore ça. Avant de continuer avec la chronique qui nous reste, la deuxième, celle de mardi de cette semaine, pas pourri. On va regarder un petit peu les mots les plus recherchés sur Yahoo Québec cette semaine. Position 10 à 6 en accéléré, Shia LaBeouf, Dakota Fanning, Poulet à l'érable, Courtney Love et Mode Printemps 2010. En cinquième, Demi Moore. En quatrième, Salmonella. En troisième, Eva Mendes. En deuxième, Rufus Wainwright. Et en première, c'est Jérusalem Est, qui est le mot le plus recherché sur Yahoo Québec en ce moment. On va aller écouter un petit peu de chiptune maintenant. On va aller entendre une pièce de Phantom NK. La pièce s'appelle The Massacre et c'est la position numéro 1 du palmarès 8bitcollective.com qui regroupe des auteurs, compositeurs, interprètes, si on veut. Des gens qui composent de la musique avec des consoles de jeux vidéo ou inspirés par la musique de jeux vidéo. Donc tout de suite, The Massacre par Phantom NK. Vous êtes à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio sur C'est Fou 89.fm. We'll be right back.

Spider-X et Umbra, c'est la position numéro 2 du palmarès et bitcollective.com. C'était précédé de la première position de ce même palmarès, The Massacre par Phantom NK. Quel excellent blog de chiptune. Musique de jeux vidéo, musique inspirée par les jeux vidéo sur CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Vous l'aurez compris avec le choix musical, hein? Hein? Deux. Maintenant, voici les nouveautés en magasin. C'est bientôt sur vos écrans. Ah oui, on a quand même beaucoup de nouveaux jeux en magasin ou à se procurer via Amazon.ca. On commence par la PlayStation 3. Il y a God of War 3 par Sony Computer Entertainment, Dragon Age Origins Awakening par Electronic Arts et la version française de God of War 3 sort aussi sur PlayStation 3. Il y a vraiment beaucoup de choses comme des accessoires, je dirais cette semaine surtout. Et puis on termine avec Resonance of Fate, jeu bilingue de Sega of America Inc. Maintenant sur Xbox 360, encore une fois Resonance of Fate et Dragon Age Origins Awakening. Et puis Supreme Commander 2 par Square Enix. Voilà pour les jeux sur Xbox 360. Maintenant sur Nintendo Wii, c'est pas mal juste des accessoires qu'on retrouve dans les nouveautés. Donc allez voir le lien sur assemblagerequis.com pour connaître ces accessoires-là. Sur PC, il y a une tonne de choses là aussi, vraiment plein de choses. Assassin's Creed 2 de Ubisoft pour Windows Vista et Windows XP. Secret of the Margrave Manor 2 de Mumbo Jumbo. Women's Murder Club 3, 3-pack, plutôt la collection qui rassemble les jeux. Ça vient de ValueSoft. National Geographic Adventures, The Mystery of Cleopatra, de ValueSoft aussi. Metro 2033 par THQ. Énigmes et objets cachés, les Tudors, basés sur la série télé. C'est par micro-application. C'est en français seulement, cette version-là, on dirait bien. Command & Conquer 4 de Electronic Arts. Sims 2, loisirs et animaux collection. Dragon Age Origins Awakening, encore une fois, sur PC. Wow, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Je vais... Et rapidement, Battlefield, Battle Company 2, Mountain Blade, Warband, Command & Conquer 4, le Crépuscule du Tiberium, Supreme Commander 2, Wings of Free, Enigmes et Objets Cachés, HDO Adventures sort plusieurs jeux différents, Profiler, Hilo Trésor, Vampire Romance, Public Enemies, ça en fait beaucoup. Et finalement, Stalker, Call of Pripyat par Viva Media, c'est sur PC tout ça. Si on retourne maintenant au jeu sur Mac, tiens. Ah, il n'y en a pas, c'est seulement un accessoire. J'ai dit ça quand il mélange les accessoires et les jeux. On termine avec la Nintendo DS, Juju Pets with Baby Hamster de Activision Blizzard. Sonny with a Chance, basé sur la série télé, la petite comédie pour jeunes filles, par Disney Interactive. Voilà, qui fait le tour des nouveautés en magasin et ailleurs, hein. Ça c'est via Amazon.ca. C'est à CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage requis. Et ça, c'est du lundi au jeudi entre 15h et 17h, ici même sur les ondes de C'est fou. Il nous reste la chronique de mardi, il y a deux jours, pas pourri. On va l'entendre juste après la pause publicitaire que voici. On revient juste après. Restez là. C'est fou, donc. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Bonjour, vous êtes toujours à CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio, en effet, mais c'est aussi l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX dans Assemblage requis. Il nous reste une chronique à entendre, celle de mardi, pas pourri, donc c'est une chronique sans avoir de sujet précis. Ça se passe tout à l'heure, mais avançons encore un petit peu de temps pour entendre d'autres musiques chiptune. On a la musique créée à partir de jeux vidéo ou inspirée par les jeux vidéo. Voici une autre pièce de Phantom NK. On l'a entendu en début d'émission, mais il est aussi en position... en fait, on l'a entendu tantôt en position numéro 1 du palmarès 8-bit collective. Il est aussi en position numéro 3, donc c'est incroyable. Voici CPU Mood. Et tout à l'heure, restez là parce que j'ai une surprise pour vous. Ça va rendre des gens très heureux, non moi. Ben, surtout moi. Vous verrez bien tantôt.

C'est un jeu de rôle côté 8.5 et le jeu le plus populaire aujourd'hui sur GameSpot.com est God of War 3. C'est le choix de l'éditeur. C'est côté 9.0 et ça sort ça aussi le 16 mars 2010. Mais non, mais je vous avais promis une surprise plus tôt dans l'émission et c'est pour moi une surprise de poids, de taille. C'est presque gorillesque comme surprise. En fait, on l'attendait depuis très très longtemps, depuis novembre 2007 qu'on avait entendu parler de ça. C'est donc une compilation, un album qui a pris beaucoup de temps à construire. Mais bref, Overclocked Remix est arrivé à leur 2000e remix sur leur site. Et en plus de ça, c'est le moment de sortir pour eux la compilation Donkey Kong Country 2 Serious Monkey Business, un Overclocked Remix Album. Vous vous souvenez peut-être, si vous êtes des vieux de la vieille de CNX, dans le temps qu'on faisait des séries en concert pendant des mois et des mois de fil et sur plusieurs CD de long, on avait passé la compilation Donkey Kong Country, l'original. C'était absolument magnifique parce que vous savez que les trames sonores de ces jeux vidéo-là en tant que tels sont vraiment, vraiment très, très bonnes. Faites par David Wise, c'est génial. Et l'album qui est un hommage à ça, donc des gens qui reprennent ces pièces-là avec brio total. C'est vraiment juste super, super bon et je suis très heureux d'entendre que la deuxième partie vient de sortir. C'est disponible en torrent, en download gratuit, téléchargement avec la pochette, les MP3... directement sur le site que je vous donne à l'instant, c'est dkc2.ocremix.org, dkc2.ocremix.org. Comme le titre l'indique, c'est ça, c'est un hommage au jeu Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest sur la Super Nintendo. Et non seulement est-ce que la musique originale de la trame sonore du jeu était composée par David Wise, mais en plus, David Wise, avec ses amis Grant Kirkhope et Robin Beanland, contribue une pièce sur cet album hommage au jeu. C'est pas génial, c'est un des gens qui ont construit les pièces originales, qui refont un remix de leur propre pièce. Plusieurs autres musiciens appréciés sont inclus, donc des gens qui sont populaires dans la scène des remix de jeux vidéo sont sur cette trame sonore-là, cet hommage-là. Bref, allez télécharger ça directement sur le site dkc2.ocremix.org. Nous, on va écouter une pièce pour commencer, celle qui débute l'album, pour vous donner un petit avant-goût de quoi ça a l'air. C'est la pièce Sturm und Kong, basée sur la pièce originale K-Rool Returns. C'est remixé par DJ Pretzel et on présente ça tout de suite à cnx.zip. Sur C'est fou, 89.1 FM. Et on vient pour se dire au revoir après. moi, ça me rappelle des souvenirs, en tout cas. C'est la pièce Sturm und Kong, remixée par DJ Pretzel. Ça vient de la pièce originale K-Rule Returns dans le jeu Donkey Kong Country 2. Hein? Et c'est sur la trame, l'album hommage Serious Monkey Business, présenté par Overclocked Remix. J'adore et j'ai très, très hâte de vous faire entendre ça au complet dans une future série en concert. Ah, c'est la fin de CNX.zip pour cette semaine. On se retrouve jeudi prochain à 10h avec une autre compilation des chroniques CNX diffusées dans Rassemblage Requis du lundi au jeudi entre 15h et 17h. Moi, je vais être de retour à 13h juste après Danny Janvier et André Baudet dans Dîner de con. Donc à 13h, ça va être les Palmarès Info Édition Franco et puis Assemblage Requis à 15h. On se quitte avec une deuxième pièce de cet album, Serious Monkey Business. C'est Simian Soiree, basé sur l'original Clumps Romp, remixé par Joran de Bruin. Et passez une excellente journée. Bye bye. Tash.com.